Chapitre 2. Qu'est-ce que le tiers état a été jusqu'à présent ? Rien. Nous n'examinerons point l'état de servitude où le peuple a gémi si longtemps, non plus que celui de contrainte et d'humiliation où il est encore retenu. Sa condition civile a changé. Elle doit changer encore. Il est bien impossible que la nation encore, ou même qu'aucun ordre en particulier devienne libre, si le tiers état ne l'est pas. On n'est pas libre par des privilèges, mais par les droits qui appartiennent à tous. Que si les aristocrates entreprennent, au prix même de cette liberté dont ils se montreraient indignes, de retenir le peuple dans l'oppression, il osera demander à quel titre. Si l'on répond à titre de conquête, il faut en convenir, ce sera vouloir remonter un peu haut. Mais le tiers ne doit pas craindre de remonter dans les temps passés. Il se reportera à l'année qui a précédé la conquête, et puisqu'il est aujourd'hui assez fort pour ne pas se laisser conquérir, sa résistance sans doute sera plus efficace. Pourquoi ne renverrait-il pas dans les forêts de la Franconie toutes ces familles qui conservent la folle prétention d'être issues de la race des conquérants et d'avoir succédé à leurs droits ? La nation, alors épurée, pourra se consoler, je pense, d'être réduite à ne se plus croire composée que des descendants des Gaulois et des Romains. En vérité, si l'on tient à vouloir distinguer naissance et naissance, ne pourra-t-on pas révéler à nos pauvres concitoyens que celle qu'on tire des Gaulois et des Romains vaut au moins autant que celle qui viendrait des Sicambres, des Welches et autres sauvages sortis des bois et des étangs de l'ancienne Germanie ? Oui, dira-t-on. Mais la conquête a dérangé tous les rapports et la noblesse de naissance a passé du côté des conquérants. Eh bien, il faut la faire repasser de l'autre côté. Le tiers redeviendra noble en devenant conquérant à son tour. Que si dans l'ordre privilégié, toujours ennemi du tiers, on ne voit que ce qu'on peut y voir, c'est-à-dire les enfants de ce même tiers-état, que dire de la parricide audace avec laquelle ils haïssent, ils méprisent et oppriment leurs frères ? Suivons notre objet. Il faut entendre par le tiers-état l'ensemble des citoyens qui appartiennent à l'ordre commun. Tout ce qui est privilégié par la loi, de quelque manière qu'il le soit, sort de l'ordre commun, fait exception à la loi commune et par conséquent n'appartient point au tiers état. Nous l'avons dit, une loi commune et une représentation commune, voilà ce qui fait une nation. Il n'est que trop vrai que l'on n'est rien en France quand on a pour soi que la protection de la loi commune. Si l'on ne tient pas à quelques privilèges, il faut se résoudre à endurer le mépris, l'injure et les vexations de toute espèce. Pour s'empêcher d'être tout à fait écrasé, il ne reste aux malheureux non privilégiés que la ressource de s'attacher par toutes sortes de bassesses à un grand. Il achète, à ce seul prix, la faculté de pouvoir, dans les occasions, se réclamer de quelqu'un. Mais c'est moins dans son état civil que dans ses rapports avec la Constitution que nous avons à considérer ici l'ordre du tiers-état. Voyons ce qu'il est aux états généraux. Quels ont été ses prétendus représentants ? Des anoblis ou des privilégiés à terme. Ces fous députés n'ont pas même toujours été l'ouvrage libre de l'élection des peuples. Quelquefois aux états généraux, et presque partout dans les états provinciaux, la représentation du peuple est regardée comme un droit de certaines charges ou offices. L'ancienne noblesse ne peut pas souffrir les nouveaux nobles. Elle ne leur permet de siéger avec elle que lorsqu'ils peuvent prouver, comme l'on dit, 4 générations et 100 ans. Ainsi, elle les repousse dans l'ordre du tiers-état, auquel, évidemment, ils n'appartiennent plus. Cependant, aux yeux de la loi, tous les nobles sont égaux. Celui d'hier, comme celui qui réussit, bien ou mal, à cacher son origine ou son usurpation. Tous ont les mêmes privilèges. L'opinion seule les distingue. Mais si le tiers-état est forcé de supporter un préjugé consacré par la loi, il n'y a pas de raison pour qu'il se soumette à un préjugé contre le texte de la loi. Qu'on fasse des nouveaux nobles tout ce qu'on voudra, il est sûr que dès l'instant qu'un citoyen acquiert des privilèges contraires au droit commun, il n'est plus de l'ordre commun. son nouvel intérêt est opposé à l'intérêt général. Il est inhabile à voter pour le peuple. Ce principe incontestable écarte pareillement de la représentation de l'ordre du tiers les simples privilégiés à terme. Leur intérêt est aussi plus ou moins ennemi de l'intérêt commun. Et quoique l'opinion les range dans le tiers-état et que la loi reste muette à leur égard, la nature des choses, plus forte que l'opinion et la loi, les place invinciblement hors de l'ordre commun. Dira-t-on que vouloir distraire du tiers-état, non seulement les privilégiés héréditaires, mais encore ceux qui ne jouissent que de privilèges à terme, c'est vouloir de gaieté de cœur affaiblir cet ordre en le privant de ses membres les plus éclairés, les plus courageux et les plus estimés? Il s'en faut bien que je veuille diminuer la force ou la dignité du tiers-état, puisqu'il se confond toujours dans mon esprit avec l'idée d'une nation. Mais quel que soit le motif qui nous dirige, pouvons-nous faire que la vérité ne soit pas la vérité? Parce qu'une armée a eu le malheur de voir déserter ses meilleures troupes, faut-il encore qu'elle leur confie son camp à défendre? Tout privilège, on ne saurait trop le répéter, est opposé au droit commun. Donc, tous les privilégiés, sans distinction, forment une classe différente et opposée au tiers-état. En même temps, j'observe que cette vérité ne doit rien avoir d'alarmant pour les amis du peuple. Au contraire, elle ramène au grand intérêt national en faisant sentir avec force la nécessité de supprimer à l'instant tous les privilèges à terme qui divisent le tiers-état et sembleraient condamner cet ordre à mettre ses destinées entre les mains de ses ennemis. Au reste, il ne faut point séparer cette observation de celle qui suit. L'abolition des privilèges dans le tiers-état n'est pas la perte des exemptions dont quelques-uns de ses membres jouissent. Ces exemptions ne sont autre chose que le droit commun. Il a été souverainement injuste d'en priver la généralité du peuple. Ainsi, je réclame non la perte d'un droit, mais sa restitution. Et si l'on m'oppose qu'en rendant commun quelques-uns de ses privilèges, comme par exemple celui de ne point tirer à la milice, on s'interdirait le moyen de remplir un besoin social, je réponds que tout besoin public doit être à la charge de tout le monde, et non d'une classe particulière de citoyens. Et qu'il faut être aussi étranger à toute réflexion qu'à toute équité pour ne pas trouver un moyen plus national de compléter et de maintenir tel état militaire qu'on veut y avoir. On paraît quelquefois étonné d'entendre se plaindre d'une triple aristocratie d'église, d'épée et de robe. On veut que ce ne soit là qu'une manière de parler, mais cette expression doit être prise à la rigueur. Si les états généraux sont l'interprète de la volonté générale, et s'ils ont à ce titre le pouvoir législatif, n'est-il pas certain que là est une véritable aristocratie, où les états généraux ne sont qu'une assemblée clérico-nobili-judicielle? Ajoutez à cette effrayante vérité que, d'une manière ou d'une autre, toutes les branches du pouvoir exécutif sont tombées aussi dans la caste qui fournit l'église, la robe et l'épée. Une sorte d'esprit de confraternité fait que les nobles se préfèrent entre eux et pour tout au reste de la nation. L'usurpation est complète. Ils règnent véritablement. Qu'on lise l'histoire avec l'intention d'examiner si les faits sont conformes ou contraires à cette assertion. Et l'on s'assurera, j'en ai fait l'expérience, que c'est une grande erreur de croire que la France soit soumise à un régime monarchique. Ôtez de nos annales quelques années de Louis XI, de Richelieu, et quelques moments de Louis XIV, où l'on ne voit que despotisme tout pur, vous croirez lire l'histoire d'une aristocratie aulique. C'est la cour qui a régné, et non le monarque. C'est la cour qui fait et défait, qui appelle et renvoie les ministres, qui crée et distribue les places, etc. Et qu'est-ce que la cour, sinon la tête de cette immense aristocratie qui couvre toutes les parties de la France, qui par ses membres atteint à tout et exerce partout ce qu'il y a d'essentiel dans toutes les parties de la chose publique? Aussi le peuple s'est-il accoutumé à séparer dans ses murmures le monarque des moteurs du pouvoir. Il a toujours regardé le roi comme un homme si sûrement trompé et tellement sans défense au milieu d'une cour active et toute puissante qu'il n'a jamais pensé à s'en prendre à lui de tout le mal qui s'est fait sous son nom. Résumons. Le tiers-état n'a pas eu jusqu'à présent de vrais représentants aux États généraux. Ainsi, ses droits politiques sont nuls.